On va parler de la Ligue JMS. On rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins, que ce soit pour des vêtements spécialisés ou encore des sacs de voyage, l'endroit idéal, surtout à l'approche des fêtes, c'est un beau cadeau qui se donne, c'est identificationsport.com. On parle avec le relationniste de la Ligue JMS, Pierre-Luc Martin. Salut, Pierre-Luc. Salut, Danny, ça va bien? Pierre-Luc, tu m'as déçu. Les Castors ont perdu. Je fais pas de bulletin de sport local et régional cette semaine, donc je suis moins les scores. Fait que ce que tu m'as dit, c'est que les Castors ont perdu le premier match. Ils ont perdu les premiers matchs en fin de semaine Oh. Lors d'un appel à Chibougamau. OK. Un trois matchs en trois soirs, en deux soirs même. Là. Ouais. Puis même le premier match qu'ils ont joué, ça a fini 3-2 pour les Castors de Dolbeauce. Mm. Mais les Ambassadeurs menaient 2-1, il restait une minute. Ouais. Sauf que les Ambassadeurs sont repris la main, ont gagné le troisième match 7-6 en prolongation. Donc, ben, c'est sûr que trois matchs, c'était risqué pour pas perdre, hein? Pour pas au moins perdre une. C'est ça, c'est puis à Chibougamau, c'est pas évident. T'as la route, tu couches à l'hôtel. Ouais. C'est troisième match, c'est sûr, c'est le troisième match pour les autres équipes. On a le lit, puis c'est les affaires. Ouais, ok. Donc, c'est pas toujours évident. Puis Gaston, il est dans la route aussi, le showbiz. Ouais, on va peut-être être. On va peut-être être content, même si je parlais avec David Rivard la semaine passée. Je sais pas si tu l'as écouté, l'entrevue avec David Rivard. Là. Puis il me disait que. Oui, oui. J'ai posé la question, souhaites-tu une défaite? Puis non, je souhaite pas de défaite. Puis les petits gars sont capables de vivre avec ça, puis ainsi de suite. Mais à quelque part, on doit être content pareil, là, que tout ça s'est passé. Là. C'est sûr, en même temps, on souhaite jamais de défaite hein, lorsque tu es entraîneur de son équipe, mais des fois, une, ça fait du bien, ça replace aussi. Là, ça replace l'éthique de travail, la concentration en 20 matchs. Ils sont pas invincibles, comme on dit, puis ça va lui faire du. Moi, je pense que ça lui fait du bien. Ils ont des gros matchs qui s'en viennent en fin de semaine, puis dans deux semaines. Ouais, on va commencer. Tu parles de ça. Là, donc, la Ligue Midget maintenant? Oui, on va commencer avec le budget 2B, vu qu'on est déjà là-dedans. Là. Vendredi soir, les Aiglons l'ont emporté 3-2 face aux Sags. 3-1, excusez-moi. Face aux Sags. Les Aiglons, dans le mois, seront très bien. Je pense que c'est une dixième victoire consécutive. Donc, drôlement bien replacé depuis le début de saison. Là. Samedi, c'est les bases de Sept-Îles. C'est du côté de Saint-Félicien pour affronter le Marco Sport pour deux matchs. Donc, deux victoires pour Sept-Îles, 5-1 et puis 6-3. Du côté du Saguenay, il y avait un match entre les Sags 1 et les Sags 2. Donc, victoire des Sags 2, 5-3 face aux Sags 1. Okay. Les Castors, comme je t'ai dit tantôt, les Castors étaient pour trois matchs à Chibougamau. Une victoire de 3-2, une autre de 5-1 et la défaite de 7-6 en prolongation. Okay. Dimanche, on avait un autre match dimanche. Oui, les Aiglons d'Allemagne l'ont emporté 6-4 face aux Basques de Sept-Îles. Ça complète les résultats pour le midget 2B. Côté du classement, les Castors sont de retour en première position avec les... Les deux victoires et le défaite en prolongation qui lui donne un point. Là. Donc, premier au POC aussi. Premier au POC aussi. Je sais pas. Premier au POC, je ne sais pas si. Je sais pas si la défaite a fait quelque chose. Ouais, mais je vais y aller. En même temps que je te parle, je vais aller sur le classement POC. Je vais te le dire. Parfait. Donc, égalité. Ouais. Ouais, égalité au premier rang. 35 okay. points chaque les Aiglons et les Castors, sauf les Castors ont un match en main. Là. OK. Suivi des bases de Sept-Îles avec 26 points, des Sags 2 avec 25 points. Les Ambassadeurs sont rendus à 25 points aussi, là, donc ça va bien de ce côté-là. OK. Du côté des marqueurs de MJ2B, Zachary Deschaine toujours en première position avec 26 points, suivi de Félix Normand, des Sags 2 également à 21 points. Charles-Olivier Côté d'Alma à 21 points, Jacob Boulian des Castors à 20 points et David Bouchard des Sags 2 à 19 points. Ça complète pour le midget 2B. Ouais. Au niveau junior. Donc, juste pour te donner une idée, là, le classement POC, je viens de le sortir, là, les Castors sont toujours premiers. Les Voltigeurs de Romanville, deuxième. Les Mariniers de Sorel-Tracy, troisième. Les Centurions de Blainville-Sainte-Thérèse, quatrième. Les As de Rouyn-Noranda, cinquième. Et les Aiglons d'Alma sont sixième. Parfait. C'est toujours, on a deux équipes dans le top 10. Donc, c'est très, très encourageant, très positif. Là. Les Aiglons, puis chez. Gagner un tournoi sur POC, ça te donne plus de, ben plus oui, de points. C'est payé. Comment on dit? Ouais. C'est payant de gagner un tournoi. Là, donc, on est bien content pour les Castors. Mm. La petite défaite va les replacer pour faire sur le prochain tournoi. Ouais, ça va après fête. Là, tu arrives avec la Ligue Junior Régionale. Est-ce qu'il y a un tournoi qui s'en vient bientôt? Hein? Est-ce que ça, vous allez être payé? Est-ce que vous allez recevoir des sommes d'argent? Parce que je sais que c'est. C'est deux organisations complètement différentes, là. Marcel Maltais, tu sais, était. On sait comment ça s'est terminé. Oui. Est-ce que ça s'est réglé, les petits différends? Puis est-ce que les équipes de la Ligue vont toucher de l'argent là-dessus? Là? Je peux pas te confirmer à 100%, je dirais, là. Mais je pense que oui. Je pense que oui, que le tournoi donne un titre d'avance là, à la Ligue. Là. Plus que les autres années, parce que vous aviez eu. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de sous par les autres années. Là. Ben, je pense que c'est moins que les autres années qu'à l'époque. Le tournoi était dirigé par la Ligue aussi. C'est moins que les autres années, mais je pense qu'ils ont encore un montant là, par équipe. Là, où la Ligue, puis la Ligue le redistribue aux équipes. Okay. Mais je pourrais pas te le confirmer à 100%. Donc, c'est mon dossier. Toutes les équipes sont obligées d'y aller. Y a-tu, puis il y a des équipes d'extérieur, j'imagine, puis le 25e. Est-ce que Mario va être là? Je sais pas. Il faudra parler au tournoi pour ça. Okay. Au du tournoi pour ça. Je sais pas si Mario va être là. OK, parce que c'est tournoi. Moi, j'ai suivi un peu sur Facebook dans les derniers temps. Là. Ouais. Ouais, mais j'ai suivi un petit peu sur Facebook. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de pubs dans les dernières semaines. OK. C'est bon ce qu'ils ont fait. C'est bon ce qu'ils ont fait. Ils ressortent les vieilles coupures de presse là, des 25 dernières années. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Mais pour te dire si Mario va être là, j'en ai aucune idée là-dessus. OK, OK. Donc, y a-t-il des équipes extérieures aussi, tu sais pas? Il y a une équipe extérieure. Ah, OK. Il y a les Gaulois de la Côte-Nord. Ouais, je pense que c'est un pick-up. Vu qu'ils n'ont pas de junior 2A là-bas, là. Ouais. C'est un pick-up de tous les joueurs dans la Côte-Nord là, pour faire un junior 2A. Ils font pas mal à toutes les années, la Côte-Nord. Okay. Ils réussissent avec une équipe pour ça. Là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont. Cool. Ouais, vas-y. En fin de semaine passée, justement. En fin de semaine passée, on parle, on fait du coq à l'âne. Mais là, c'est le tournoi junior en fin de semaine. Mais ce qui s'est passé en fin de semaine passée? Oui, Marquis l'a emporté 7-0 face au Saguenay-Chicoutimi vendredi soir. Les Aiglons d'Alma l'ont emporté 4-2 face aux Éperviers normandins. Pour terminer, les deux autres matchs sur les Sables de Roberval, deux victoires puis deux grosses victoires, tant qu'à moi. Là. Une contre les Saguenay-Chicoutimi, 4-2 samedi soir. Et la grosse surprise, je pense, les Sables l'ont emporté 3-2 à Jonquière dimanche soir contre les Marquis. Là. Donc, je pense qu'ils vont manger aussi cette semaine. Là. Donc, je pense qu'ils peuvent être satisfaits de leur rendement en fin de semaine. Ouais. Ils vont bien les arbres depuis 2-3 semaines. Là. Je peux te dire que je vais parler avec Jason Agnes demain, mais la manière qu'ils ont posté sur les médias sociaux leur victoire contre les Marquis de Jonquin. Ouais. Je vais utiliser un thème cru un peu, mais je pense que Jason la jeunesse jouissait. Ah, je pense que oui. Mais c'est gros pour ces équipes-là. Là. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a une rivalité avec les Marquis de Jonquière. Oui, non, c'est gros pour eux autres de gagner à Jonquière. Surtout le dernier match, je pense qu'il méritait. Moi, je n'étais pas là, mais ce qu'il avait entendu dire, il méritait. Puis il avait bien joué. Puis là-dessus, ça revient d'abord, puis c'est eux autres qui remportent le match. Ouais, donc, ouais. Ça laisse un très bon match de hockey. Un match de série que j'ai su. Là. Ouais. C'est un très, très bon match de hockey là, dimanche. Ouais. OK. Autre chose à mentionner? C'est ça, il y a plus d'autres matchs. Mais je pense qu'il est inchangé, mais c'est quand même assez serré, à part le premier position qui est marqué 41 points, donc 15 points d'avance sur la deuxième position qui est les Sargs à 26 points, suivi des Aiglons à 24, des Sables à 21 et les Éperviers, que c'est jamais facile cette année là, à 13 points. Mais les trois positions du milieu, ça joue. Là, donc on voit ça. Okay. Et du côté des marqueurs, encore les 5 mêmes des marqués dominés par Jean-Simon Girard à 49 points en 15 matchs. Donc c'est une nomination. Ah, okay. Ça ressemble à ça pour le junior. On s'en reparle mardi prochain. On rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins, vos sacs de voyage, les fêtes approchent. Donc, c'est un beau cadeau pour faire à un de nos proches. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur identificationsport.com.